Terre de l'oubli de Tyrell 3W pour aider à trouver un abri d'ici Garoua, c'est le fourbi et il perd dans la lueur du moins le sens de la valeur. Point un lieu dit pour y trouver ses racines, faire pousser la vermine dans le feu validé. Où tomber le seul lien qui unit. Les cristaux de ma vie ne sont pas terribles aujourd'hui. Le ciel de mon computer a perdu ses heures. Les jours de mon agenda ont perdu leur fraîcheur. On m'a dit n'oublie jamais ce train de vie, ce quotidien. Comment veux-tu que je joue? J'ai des interférences dans l'oreillette. Les signaux sont bouchés. Y'a trop de chiffres dans l'ordre binaire. Ça ne répond plus hors connexion. Pourtant je reçois. Alors j'aimais. Qu'en faire sinon? Ça devrait se défragmenter. Où trouver ce lieu qui unit.